19, 32, activation orale, plaire, passé composé. Répondez, selon l'exemple. Vous entendez. 1. Vous avez fait des maths? Vous avez aimé ça? Vous dites... Oui, ça m'a plu. 2. Tu as aimé les maths, toi? Mais oui, ça m'a plu. 3. Et vous deux, vous avez aimé ça? Mais oui, ça nous a plu. 4. Vos enfants ont aimé la chimie? Oui, ça leur a plu. 5. Votre fils a aimé le latin? Oui, ça lui a plu. 6. Votre fille a aimé la physique? Oui, ça lui a plu.